C'est fou comme un balai. 89. C'est fou de la scène émergente. Assemblage Ruki et C'est fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Ruki. Cela, c'est Sylvain vient nous parler de ses sorties culturelles alternatives. On reçoit le groupe Polyp en entrevue. Et dans la chronique technologique CNX, on parle de gadgets. Et ça commence tout de suite. Et ça, c'est ce qu'on appelle une toute nouvelle édition d'Assemblage Ruki. Bienvenue à vous à la maison. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Kiwan. Salut Mathieu, ça va bien? Ça va très bien. Et c'est juste pour comparer aux autres éditions d'Assemblage Ruki qui, des fois, ne sont pas si nouvelles. Non, elles sont toutes nouvelles. On est toujours en direct, entre 15h et 17h, donc c'est toujours nouveau. Hein? Toujours bon. Oui. Oui. Aujourd'hui, on va recevoir Polyp. Donc, on sait que ça va être bon. La formation Polyp en entrevue en studio, juste dans ses chaises, juste là. Juste là. Oui, c'est la première fois qu'ils vont être ici à C'est fou, donc on est content de les accueillir. Ça va se passer aux alentours de 16h. Il va y avoir aussi, vers la fin de l'émission, comme d'habitude à tous les mercredis, Sébastien Duluth qui va être ici pour nous parler, pour nous faire quelques suggestions en fait de sorties culturelles alternatives. Oui, aujourd'hui, il y a des spectacles à venir, des spectacles très, très différents, dit-il. Très différents. Je ne sais pas si ça veut dire différent l'un de l'autre ou différent de ce dont il nous parle d'habitude, mais ça va être différent. C'est le mot à retenir. Parfait. Et aussi, aujourd'hui, il va y avoir une chronique CNX. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de gadgets. On va parler, entre autres, d'un coussin motorisé et d'un séchoir à chaussures USB. Très intriguant. C'est dans CNX, tout à l'heure. Mais on commence l'émission avec un petit peu de palmarès francophone. Hein? Parce que, tu sais, on vient de vivre le palmarès anglophone et c'était, ma foi, plutôt émouvant. Entre 13h et 15h tantôt. Et là, on va plonger un petit peu dans le francophone pour le fun. Pour le francophone. Y a-t-il une émission que c'est déjà appelée de même? Je sais pas. Donc, on va aller écouter la rue oblique du groupe We Are Wolves. Vous êtes à Assemblage Ruki. Au 89.1 FM, c'est fou! Woohoo! Assemblage Ruki et C'est fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. The Lovely Feathers et la pièce Louisa de l'album Fantasy of the Lot dans Assemblage Rocky. Oui, exactement. Et avant ça, c'était We Are Wolves. Oui, vous avez peut-être remarqué, parce que depuis quelques semaines déjà, plus partout dans l'émission, on passe toujours des petites pubs comme ça, des petits messages vocaux. Exactement, à propos du Noël du Pauvre, parce que, bon, vous savez, Noël, ça s'en vient, c'est bientôt. Et si vous avez été attentif à toutes ces petites pubs du Noël du Pauvre, bon, vous savez qu'il y a un téléthon qui s'en vient, c'est très bientôt. Oui, le 4 décembre à 17h à la télévision de Radio-Canada, ça va être le 51e Téléthon du Noël du Pauvre. C'est en direct de la salle Jean-Antoine Thompson ici à Trois-Rivières. Et Radio-Canada Mauricie va diffuser un grand spectacle qui va être retransmis à la télé en direct aussi sur Internet, donc c'est quand même pas mal. Et vous pouvez aller le voir aussi directement là-bas, oui. C'est à la salle Jean-Antoine Thompson. Donc c'est le 4 décembre, c'est vendredi qui s'en vient. Ça a lieu de 17h à minuit. Et vous pouvez aussi faire vos dons, c'est surtout ça qui est important, ouais. C'est de faire vos dons au Noël du Pauvre. Pour ça, vous pouvez aller le faire directement en personne le 4 décembre à la salle J. Antonio Thompson. Ou vous pouvez aussi envoyer ça par la poste au casier postal 141, succursale Trois-Rivières, code postal G9A 5E3. Mm-hmm. Pour la 12e année, ça va être Nancy Sabourin de Radio-Canada qui va être l'animatrice de cette émission-là, du Téléthon à la salle Thompson. Il va y avoir plein d'artistes sur scène. On pourra en mentionner quelques-uns de ceux qui sont peut-être plus appropriés pour ces fous. Yann Perrault, entre autres, Kevin Parent. Il va y avoir Cire Pathétique, Fabiola Toupin et un paquet d'autres gens comme ça. Ça va être super bon comme Téléthon, ça. Entre 17h et minuit, c'est le 4 décembre, c'est ce vendredi. Donc, voilà. Syntonisez et envoyez vos dons, comme Kiwan l'a si bien dit. C'est ça l'important, je pense. Oui, ben c'est ça. C'est ça le but de faire ça. T'sais, c'est sûr qu'il y a plein d'autres bonnes, t'sais, il y a plein de bonnes raisons. Là, t'sais, il y a plein d'attraits, justement. Ils ont, fait une super belle programmation. Mm-hmm. Que ce soit intéressant, qu'on ait le goût d'y aller, mais la raison d'être de tout ça, ben, c'est d'aider les gens qui en ont besoin. Exact. Donc. C'est pas juste un spectacle, ça. Là. Il va y avoir un petit numéro en bas de l'écran aussi, sûrement. C'est ça. Envoyez-les vos dons. Au Téléthon du Noël du Pauvre ce vendredi entre 17h et minuit. Vous êtes toujours Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. On continue avec un petit peu de musique encore avant de passer à la chronique CNX tantôt. Oui, on va aller écouter Elephantine avec la pièce H2O à Assemblage Requis. Vous êtes assez fou, 89 FM. Assemblage Requis et CIFU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Thank you. que le silence. Pierre Arthur avec la pièce Elle, ça va être une nouvelle entrée de cette semaine dans le palmarès francophone, ça. Oui, francophone qui va être demain, ce palmarès, entre 13h et 15h ici à C'est fou, c'est moi qui anime ça, donc top 20 francophone demain, 13h. Exactement. Maintenant, je pense que ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait cette chronique-là à cette heure-là précisément. Ben oui, parce qu'au départ, on s'était dit qu'on ferait toujours ça aux alentours de 15h20, mais on avait un petit peu abandonné le projet depuis les dernières semaine/mois. Puis donc, t'es prêt, là? On fait ça tout de suite? Oui, voici la chronique technologique CNX. Et aujourd'hui dans la chronique technologique CNX, on parle de gadget, c'est GoGo Gadget. Kiwan, oui. Est-ce que tu es du genre à t'asseoir des fois? Ça m'arrive parfois. Bonne question quand même, hein? Ouais. Donc, un coussin motorisé, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, c'est bon justement pour ceux qui ont un problème de dureté de la fesse. De dureté de la fesse. Ouais. Une dureté de la fessoïte. Ben oui, pourquoi pas. Bon, donc, l'article de Branchez-vous Gadget nous dit « Le temps des fêtes approche et vous redoutez les effets délétères du prochain réveillon sur votre capacité à vous lever de votre table sans vous effondrer au sol sous votre propre poids. » Eh bien, vous avez deux choix, soit y aller... Tout le monde redoute toujours ça à l'approche des fêtes, hein? C'est un défi, tout ça. Vous avez donc deux choix, y aller mollo sur la sauce aux canneberges et sur la bûche à la crème glacée, ou bien vous procurer un coussin de chaise motorisée qui vous relèvera tout seul quand vos boutons de jeans n'en pourront plus. Devinez laquelle de ces solutions le blog Gadget vous recommande. On active le Power Assist Seat Cushion en appuyant sur un levier, ce qui permet d'amortir le choc de s'asseoir ou de se relever. Le moteur est alimenté par une prise secteur, puisque la connexion USB qui pourrait sembler plus appropriée compte tenu de l'aspect saugrenu du gadget ne serait jamais assez puissante. Et le coussin en mousse mémoire maximise le confort quand il faut rester assis longtemps. Il s'agit d'un gadget destiné aux personnes à mobilité réduite, évidemment, ou qui doivent suivre des traitements de réhabilitation, et on imagine facilement à quel point il peut être utile dans ces cas-là, mais on peut pas s'empêcher de penser « catapulte » ou d'imaginer des moyens de le hacker pour décupler la vitesse de déploiement du système et s'en servir pour propulser les restants de dinde aux quatre coins du sous-sol. Ça coûte environ 175$, c'est chez Hammacher Schlammer. C'est hammacher.com, allez voir assemblagerequis.com pour le lien. C'est dans la chronique CNX d'aujourd'hui. Donc, sur assemblagerequis.com. Hey, j'espère que ça deviendra jamais populaire, ça. Ça serait un petit peu triste, là. Ça serait pitoyable. Tu sais, ils prennent la peine de dire, ah, c'est pour les gens qui ont des problèmes de, qui sont en réadaptation, qui ont des problèmes de mobilité réduite. Mais bon, hey, tu sais bien que tous ceux qui ont été allumés par ce que tu viens de dire là, par ce gadget-là, là, c'est pas du monde qui sont en réadaptation, là. C'est juste du monde très lâche. Ouais. Aux États-Unis, ça va vraiment faire fureur, c'est exact, certain. Exact. Ouais, faudrait pas. J'espère que non. Le gars, il va s'acheter chez Walmart un Big Mac et un siège à catapulte. Ouais. On trouve tout là-bas. C'est officiel, il y a maintenant des versions USB de tous les objets inventés depuis la création du monde, vous le savez, et aussi plusieurs objets qui ont été inventés dans le seul but de remplir des ports USB inutiles. Il y en a toujours 6 ou 8 sur un ordinateur et on s'en sert de 2. Donc, avez-vous l'habitude de marcher dans l'eau, la slotch, l'agadou ou la boue? Kiwan, est-ce que tu marches dans l'eau, la slotch, l'agadou, la boue? Sûrement. C'est un loisir pour moi, en fait. C'est un gars de plein air. Il se pourrait que vos petits pieds douillets se fassent mouiller et que le lendemain, vos chaussures émettent une franche odeur de moisissant, Kiwan. Ça arrive parfois. Mais si vous avez un ordinateur portable à portée de la main, ou plutôt du pied, vous pouvez à tout le moins éviter la conséquence numéro 2 de votre expédition aquatique, puisque Tanko, toujours eux autres, offre maintenant un séchoir à chaussures USB. Ah! Bon, imaginez comment il fonctionne. Regardez la forme de l'objet, et ça va vous intriguer, ça va être écœurant. C'est comme un séchoir qu'on met dans son soulier. Bref. Un pauvre, ça dit ici... Il s'agit d'un pauvre tipitou que vous insérez dans votre chaussure pour en chasser l'humidité et la rendre inhospitalière aux yeux des bébites unicellulaires malodorantes en tout genre. Voilà. Cadeau parfait pour votre bas de Noël, surtout si celui-ci a été trempé dans le gros gin par mon oncle Gaston avant le réveillon. Moi, sérieusement, j'ai comme une haine envers le gars qui écrit les articles du blog Branchez-vous Gadget. Je le trouve juste pas drôle. Puis qui parle toujours de réveillon. Oui, de... c'est tout le temps les mêmes, tout le temps pareil. En tout cas, 35$ chez Geek Stuff for You, ou le lien sur assemblagerequis.com. Je pensais que tu vois une haine à mon oncle Gaston qui mouille toujours ton bas de Noël, mais non. Ouais, en tout cas. Il y a des jeux de mots à faire avec les bas et mon oncle Gaston que je veux même pas embarquer là-dedans. OK. Shocking Liar, wow. Les mimes ici. Shocking Liar, hein? Parce que quand une soirée entre amis perd de son intérêt, il n'y a rien de mieux pour raviver la conversation qu'une bonne petite séance de torture fraternelle. C'est tout simple. Hein? Le volontaire pose la main sur le Shocking Liar, puis quelqu'un d'autre lui pose des questions embarrassantes. L'appareil mesure alors les signes vitaux de l'interrogé pour savoir s'il répond honnêtement ou s'il ment. Dans le deuxième cas, zap! Une vilaine décharge électrique. Ça lui apprendra. De 110 volts. 110 volts. Trop. Ah, imagine si t'as les bas mouillés en plus. Malade. S'il dit la vérité, il se passe rien du tout. On présume que la personne qui pose les questions devra offrir une récompense quelconque en cas de réponse véridique pour convaincre son adversaire ou partenaire de prendre le risque de l'électrocution. Le Shocking Liar requiert des piles 3A et n'est pas recommandé aux enfants, aux femmes enceintes, aux épileptiques, etc. Ah, c'est sûrement pas conseillé à grand monde, finalement. Okay, $35 chez Gadget for All. OK, ça se branche pas dans le mur, là. Non, okay. Non. C'est un petit peu sadique, toi, hein? C'est un petit peu trop loin, là. Il était une fois un inventeur en mal d'inspiration qui s'est dit « Comment pourrais-je humilier ma clientèle tout en donnant vaguement l'impression d'être à la mode ?» Le résultat est un pèse-personne Wi-Fi qui, en plus de vous donner des remords, transmet les résultats de vos excès de gloutonnerie à tous vos amis sur Twitter ou Twitter, comme je l'appelle. Juste à temps pour les fêtes. Mis sur le marché par la compagnie Wild Things, qui considère visiblement qu'elle n'a pas suffisamment d'ennemis, le pèse-personne tweet votre poids actuel et combien vous avez gagné ou perdu de kilos récemment. Heureusement, cette fonctionnalité n'est pas obligatoire. Il faut l'activer soi-même volontairement. Mais si tu ne l'actives pas, ça sert à quoi d'acheter ça, finalement? Un cadeau qui donne une toute nouvelle signification à l'expression « on vous auriez pas dû ». Et en plus, ça coûte près de 175$. C'est via Gearlog, encore une fois, via le blog « Branchez-vous Gadget ». Tweetez sur Twitter votre poids et votre perte et votre gain de poids. Les salles de théâtre ont souvent du mal à attirer et à fidéliser un public. Et bien, à Londres, où les touristes forment une bonne partie de la clientèle visée par les industries culturelles, il y a maintenant une solution techno qui permet de simplifier l'accès au théâtre pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui ont du mal à maîtriser l'accent londonien. Ça s'appelle le AirScript. C'est un récepteur sans fil qui présente des sous-titres en 8 langues différentes, rédigés par des traducteurs professionnels pour aider les spectateurs à suivre l'action qui se déroule sur scène. Son écran noir est rétroéclairé par des diodes électroluminescentes et affiche le texte en orange, hein, la couleur orange, pour minimiser la pollution lumineuse dans la salle. Un opérateur transmet les sous-titres aux appareils en temps réel, histoire d'assurer que le bon texte arrive au bon moment, peu importe le rythme que les acteurs adoptent pour une représentation donnée. Je capote sur l'idée, je trouve ça absolument génial. C'est utilisé au théâtre de Shaftesbury, présentement. L'appareil est loué une douzaine de dollars pour la soirée. On peut en utiliser jusqu'à 200 en même temps. C'est incroyable, j'adore. Wow! Quelle bonne innovation! C'est rare que j'approuve autant une invention. C'est bien. Quelques petits articles plus rapides ici. Si vous avez un arbre de Noël que vous voulez garnir de manettes de jeux vidéo, c'est l'idée derrière ces superbes, superbes sculptures des télécommandes, des commandes de jeux vidéo. New school, old school, coupées au laser avec de l'acrylique disponible en rouge et en blanc. C'est super beau. C'est via le blog boingboing.net que j'ai vu ça. Va voir la photo sur assemblagerequis.com. T'as Dreamcast, Nintendo, Genesis. Oui, tout est là-dedans. C'est super beau. Vraiment génial. Un autre petit truc rapide, c'est du savon geek avec des dés de jeux de rôle, etc., des dés à 20 côtés, en plein milieu du savon. Donc, ils ont fait le savon qui est rose, disponible sûrement en d'autres couleurs, et ils ont mis un dé 20 à l'intérieur de ce bloc de savon-là. Donc, à la fin, tu te fais un dé. C'est génial. Geeky clean, du savon avec des dés à l'intérieur. Hey, ça, c'est très, très geek. Beaucoup trop, hein? C'est juste le mot dé 20, là. Ouf, ouais. Ben, c'est pour quand tu te laveras entre 3-4 parties de World of Warcraft une fois ou 3 jours. Là. Ouais, c'est ça. Au moins, tu vas être vraiment propre. Ah, quel préjugé incroyable. Ouais, c'est vrai, mais quand même. Ça part de quelque part, les préjugés de même. Oui, c'est un préjugé, mais tu sais, c'est ça, là. C'est pas tout à fait faux. Non, c'est ça. Je les comprends. Là. Je pourrais passer une bonne vingtaine d'heures à jouer à New Mario Brothers sur la Wii. Là. Prochain gadget, allons-y avec des autocollants pour clavier. C'est Christopher Monroe DiLorenzo, hein, qui a l'air d'un prince avec son nom, qui va ajouter un petit peu de charme et de beauté à votre clavier d'ordinateur. C'était pas la meilleure idée pour ceux qui savent pas taper, par contre, parce que ce que ça fait, c'est des petits collants qui remplacent les lettres sur votre clavier. Donc, ça va par-dessus la lettre et ça dit dessus, par exemple, ben pas dessus, mais ça vient avec. Il y a un petit guide qui accompagne ça. Par exemple, B pour Bowie, donc c'est la face de David Bowie en dessin animé. U pour Umbrella ou Parapluie. P pour Pirate, et là, c'est l'image d'un pirate. C'est super mignon, très, très geek et ça parle non seulement de choses geek, mais de mythologie grecque, de culture populaire et plein d'autres choses. Donc, Christopher Monroe DiLorenzo qui est sur chrisdilorenzo.com, le lien sur assemblagerequis.com. Si vous êtes à la toilette, normalement vous avez besoin d'un divertissement. Vrai? Si vous êtes à la toilette, on vous dit bonjour. Bonjour à vous, à la maison, à la toilette où vous soyez. Donc quand t'as besoin d'un divertissement, des fois, tu peux mettre ton portable, ta DS, ton iPhone, ton téléphone cellulaire, n'importe quoi. Mais tu peux aussi prendre une méthode très, très vintage old school en utilisant ton rouleau de papier de toilette lui-même. Et là, il y a du papier de toilette origami. Donc, sur le rouleau de papier de toilette, c'est des indices d'origami, des étapes avec des numéros. Si vous avez du temps à perdre, ça coûte 6$ par rouleau. C'est génial. Au lieu de prendre un vieux Reader's Digest, hein? Tu sais, tu sers de ton rouleau de papier de toilette. Origami toilet paper. C'est sur le site ogizmo.com. Kiwan en veut 14, je pense. Les rouleaux d'origami. Je suis capable. Je vais les cramper. Kiwan, reviens-moi. Continuons avec une très, très bonne idée dans ce cas-ci. C'est beaucoup mieux que de l'origami en rouleau de papier de toilette. Une carte cadeau avec télécommande. Non, mais, excuse-moi, mais c'est parce que la raison pour laquelle j'étais vraiment crampé, c'est que si tu... Oups. Non, toujours pas. Non, je t'ai compris tantôt, hors d'onde. Ah, OK. Les cartes cadeaux, c'est toujours quelque chose qu'on n'est pas sûr de vouloir recevoir ou donner, parce que des fois, c'est gênant, ça s'est fait cheap un petit peu, mais en même temps, j'en donne des fois, puis je me sens pas si mal que ça. La chaîne de magasins Target a sorti une superbe carte cadeau, mais avec une télécommande. Dans le fond, c'est une petite souris à l'intérieur d'une petite, genre, une petite voiture là, qui se contrôle avec la carte cadeau elle-même. Donc, la carte cadeau est une télécommande pour le petit gadget qui vient avec. Donc, il faut mettre au moins 25$ sur la carte sur leur site internet à Target. C'est super cool. Une carte cadeau téléguidée. Je suis sûr que ça va faire fureur, ça. J'aime l'idée. J'ai laissé sur le site un article sur un petit chose pour se réchauffer les mains. J'irai pas dans les détails, mais c'est vraiment un genre de petite sphère. Ça ressemble un petit peu à un œuf, mais moins profond. Et ça va jusqu'à 102 degrés Fahrenheit ou paramètre le plus faible et 109 au plus haut, le mode turbo. Tu peux faire 3 heures sur une charge de 3 heures. Donc 3 heures de chaleur pour 3 heures de charge. Ça prend des piles 2A. Il y a différents modèles. C'est pour vous réchauffer les mains. C'est pour mettre dans nos mitaines, mettons? Je sais pas si tu devrais vraiment mettre ça dans ta mitaine. Peut-être en arrivant à la maison et te mettre ça dans ta main. Okay, okay. Il y a déjà qui, selon moi, ça n'a pas grand-chose. Non, c'est ça. C'est pratique si tu peux le mettre dans tes mitaines. Ça, c'est très pratique. Ça a l'air profond quand même, je sais pas. Moi, je pense pas qu'on puisse mettre ça dans ses mitaines, mais bon, si tu veux l'essayer, un dans chaque main, 102 degrés Fahrenheit, doit être chaud quand même. 102 Fahrenheit, ouais, ça donne. Non, c'est pas tant que ça, je pense. Non. C'est quoi, c'est comme 45 degrés Celsius à peu près, je pense. Ok, pas, c'est pas super. 35$ en blanc ou en rose, allez voir les détails sur l'article d'assemblagerequis.com. Et le dernier pour aujourd'hui dans la chronique gadget de CNX, c'est un concept qui n'existe pas encore, qu'on espère voir un jour. Tu sais, quand tu te blesses, la blessure peut avoir plusieurs grandeurs, plusieurs formes. Ce serait génial d'avoir des pansements de la grandeur appropriée à ta coupure. Hein? C'est l'idée du Long and Short Plaster. Hein? Qui est un genre de distributrice à ruban collant, à papier collant. Et ça fonctionne sur le même principe. Donc, on pourrait trancher le pansement à la bonne longueur et le mettre sur sa blessure. Donc, voilà, c'est via augismo.com. Je vous laisse aller voir la photo parce que le gars, quand c'est un concept, il est arrivé vraiment à la phase maintenant de faire des photos. On dirait que c'est un vrai produit qu'il a fait. Je sais pas si ça en est un vrai ou si c'est de l'infographie, j'ai aucune idée. Mais bon, un jour, ça deviendra vrai et un jour, vous allez voir les publicités à la télé de ça. C'est un concept pour un pansement à la longueur désirée. Et c'était le tour de la chronique Google Gadget ici dans CNX, la chronique technologique d'assemblage requis. Parfait, donc on la retrouve en version comprimée. Les lundis matin. Toutes les chroniques de CNX de la semaine, comprimées les lundis matin à 10h, ici sur les ondes de C'est Fou, animées par toi-même. Ça s'appelle CNX.zip. Et c'est lundi prochain. Voilà. Et il y aura une autre chronique demain, jeudi, ici à Assemblage Requis, parce que si je me rappelle bien, on est toujours mercredi. Exactement. En ce moment. Oui. On a commencé l'émission, on était mercredi, on est toujours mercredi. Ça veut dire que l'émission n'est pas si longue que ça. Ça paraissait plus long. Ça passe pas si vite. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Du tout, en fait, ça passe vraiment beaucoup trop vite, en fait. Justement, parlant de passer trop vite, tantôt, on va recevoir Paulie, puis je suis sûr que ça va passer très, très vite, cette entrevue-là, donc restez avec nous pour ça. On va aussi avoir Sébastien Dulude plus tard, qui va nous parler de ses sorties culturelles alternatives, mais pour l'instant, on retourne en musique avec la formation Asso. Oui, c'est un extrait du palmarès francophone. On a écouté la pièce Agenda à Assemblage Requis. We'll be right back. Fou 89.1. La bonne musique en tout temps! Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Assemblage Requis et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Chouette, ma vie. sont tristes. Oh, c'est triste. Oh, ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Moi je te tiens la porte et allons battre la semaine en des tas de feuilles mortes. Je ferai en sorte que tu sois mon escorte jusqu'à ce que l'ennui nous sépare, jusqu'à ce que la nuit nous répare de ces voyages au calende. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton cœur est une plage au milieu des tristesses. Et si tu t'en vas, moi je te tiens la porte. Et allons battre la semelle dans des tas de feuilles mortes. Oh ma chérie. Ton cœur est une plage au milieu des tristesses. Chinatown est tué, un hit, c'est sur le palmarès francophone de C'est fou dans Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées en compagnie de Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Puis toi aussi Mathieu, t'es un hit. Ah merci, toi aussi. Tout le monde t'es un hit ici, ça même plus d'allure. Un peu presque être vulgaire tout ça, mais bon. Maintenant qu'est-ce qu'on fait Mathieu, on retourne en musique. J'essaie de trouver qu'est-ce qui est vulgaire là-dedans. Un là-dedans. Hit. T'sais. Hit comme... un coup, comme un witch. Witch. Comme ça? Ben, c'était pas au sommet, en tout cas, peu importe. OK. Donc, vous êtes à Assemblage requis. Tantôt, on va recevoir Polype, la formation qui est en spectacle ce soir à l'Embuscade à partir de 22h. On va les avoir en studio. Oui, ça, c'est tantôt, ça, un petit peu plus tard dans l'émission. Mais pour l'instant, on va retourner en musique avec un petit bloc très tranquille, très hivernal même, je dirais. Avec, il va avoir, entre autres, dans ce bloc-là, il va avoir du Jordan Klassen avec son album Winter and Tempest. Mais on va commencer tout de suite avec... Au bijou. Au bijou et la pièce Intro to Season. Assemblage requis sur les ondes de C'est fou. 89.1 FM. Assemblage requis et C'est fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. verses, looking for rhymes. And you touched my forehead and pressed a cold cloth. I felt in flames. The sweat came and went, but mostly Ask Me Not, Astronaut de Jordan Klassen. Ouais. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve pour une deuxième tantôt avec, entre autres, la présence de Sébastien Dulude pour sa chronique sur les sorties culturelles alternatives. Aussi la présence de Polype. Oui, pour le nouvel album Tropique du Cancer. Ils sont en spectacle ce soir à l'Embuscade, donc restez avec nous. Ah oui! Assemblage Requis et CIFU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Bon, donc c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, vigilance auditive nécessaire, plan inclus, il s'appelle Kiwan. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et bon retour à vous, oui, où que vous soyez, hein, merci d'être avec nous. Pour cette deuxième heure d'Assemblage Requis. Tout à l'heure, Sébastien Dulude va être avec nous. On le dit sans cesse, mais c'est vrai, il s'en passe des choses dans l'Assemblage Requis. Hein? On n'essaye pas juste de remplir du temps en disant ce qui s'en vient plus tard. Du tout, non, c'est pas. Je blague. www.assemblagerequis.com, c'est notre site web. Là-dessus, il y a la balle de diffusion et il y a aussi les pièces qu'on joue dans l'émission et les liens des chroniques CNX et un paquet d'autres affaires. Et il y a aussi le cfou.ca où il y a la programmation et aussi les balles de diffusion et plein d'autres choses. Tout à fait. Deux sites web, tout aussi importants les uns que les autres, assemblagerequis.com et cifou.ca. Mais quelque chose qui est encore plus important, c'est de retourner en musique pour aller entendre du Pleasure Bridge ou du Pleasure Bridge. Oui, on pourrait dire ça ici. On va écouter, je pense que je vais choisir Pleasure Bridge. OK. Un groupe qu'on a découvert ici il n'y a pas très longtemps. On va aller écouter la pièce 9 to 5 à Assemblage Requis. Tellement plus calme que moi. On dirait que je suis comme... Toi, tu fais comme... La la la la. La la la la la. Il chante tout le long comme ça. La la la.

Assemblage Ruki et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. L'escalier dedans la pièce, il me transporte, il me déporte, il me transporte. Planté là, les yeux gros comme des deux pierres, je suis Aristophane, une crise. Et je plonge la tête, la première, je suis une éponge. Je pense que Kiwan est très content d'entendre ça. Oui, c'est vraiment une très bonne pièce. Je pense que c'est ma pièce préférée pas mal de cet album-là. Oh. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas juste. Ça fait presque un an là, que l'album est sorti. Il était sorti au mois de mars dernier. Je l'ai fait passer quand même pas mal. Et puis là, ben, bonne nouvelle, ça va entrer dans les palmarès francophones. Ça, tu me disais. Oui, demain, entre 13h et 15h, la pièce s'appelle L'éponge. très bonne pièce. La Panthère Rose qui continue à jouer, c'est vraiment dément. Ils ont une liste de spectacles d'annoncer déjà. Ils ont comme 100 à faire là, ouais. Cet hiver. Là, ouais, ça marche très, très bien pour la Panthère Rose. Bon petit groupe, ça. Exact. Kiwan, des fois, on aime parler des choses qu'on aime dans la vie, tu sais. Moi, des fois, je parle de technologie dans les chroniques CNX. Toi, des fois, ça te tente de parler de planches à neige, mettons. Ouais, non, c'est ça. Ça n'a pas tant rapport parce qu'il n'y a rien à dire présentement sur la planche à neige ou pas grand-chose. Mais tu sais, présentement, là, l'hiver, ça fait un peu tarder comparé aux deux dernières années. Mais en fait, pas tant. Si je compare dans ma vie en général, tu sais. Ta longue vie, là. Dans ma longue vie, là, c'est quand même fréquent là, qu'il n'y a pas de neige au mois de décembre, mais dans les deux dernières années, on était tellement gâtés. Moi, je me souviens, deux ans, au mois de novembre, là, d'avoir fait de la planche, là, puis plus qu'une fois. Là. Puis là, cette année, c'est pas vraiment commencé encore, mais aujourd'hui, t'as peut-être vu toi ça aussi sur la couverture de La Presse, le journal La Presse, ça a envoyé un article de blog sur le cyberpresse.ca, et puis ça parle du Mont Sutton, en fait. Pis c'est bizarre hein, parce qu'ici, au nord du fleuve, d'habitude, on a toujours plus de neige. Je sais pas si tu dois pas aller tant souvent ça sur la rive sud de Trois-Rivières. Il est où le fleuve? Mais il y a toujours, ouais, il y a vraiment là, un clivage marqué là, au niveau de l'accumulation de neige entre la rive nord et la rive sud. Tu fais juste traverser, puis de l'autre côté, il n'y a pas de neige. OK. Puis même tout au long de l'hiver, il y a vraiment moins de neige. Puis là, c'est bizarre parce que Sutton, c'est vraiment beaucoup plus au sud. C'est au sud de Sherbrooke. C'est sûr que c'est dans les montagnes, c'est comme dans les Appalaches. Mais je suis vraiment jaloux parce que là-bas, il y a comme 2 pieds de neige à peu près. Il y a vraiment beaucoup de neige, puis il y a vraiment un bel article là, sur cyberpresse.ca avec une vidéo qui est dure à voir. Là. En tout cas, je sais pas si c'est juste sur mon ordinateur ici. Là. C'est très, très, très saccadé. Mais il y a vraiment beaucoup de neige là-bas. Là. C'est l'enfer. Puis là, j'ai vraiment le goût de... Tu sais, ça donne le goût de commencer en enfer. Puis tu sais, en plus de ça, tu sais, les stations de ski, tu sais comment ils sont. Comment ils sont? Non, mais tu sais, au début de la saison, ou très très tôt, ou même à la fin de la saison, ou tu sais, pendant l'été, ils t'offrent toujours des deals, là, parce qu'ils se disent on veut vendre le plus d'abonnements possible au cas où il n'y aurait pas d'hiver. Puis là, finalement, il n'y a pas d'hiver, justement. Non. Fait que tu sais, si comme moi, tu t'es fait prendre à avoir acheté un abonnement super cher là, très longtemps, parce que tu disais ouh, j'ai hâte, ben là, tu es un peu fourré parce qu'il n'y a pas de neige. Mais bref. Je répondrais à ça, yep! Ouais, tu répondrais comme tu t'en fous un peu. Non, mais c'est super intéressant, mais il va falloir qu'on me conseille sur comment acheter une planche à neige. Et, ouais, c'est ça, peut-être qu'Émilie pourra faire ça, même si elle est moins alpine, elle est plus terrestre. Émilie Gauthier dans ses chroniques plein air, là. Mais bon, allez voir ça, cette petite vidéo-là. C'est pour ceux qui ont hâte, là, comme moi, là, qui attendent impatiemment l'arrivée de l'hiver là, pour sortir la planche, allez voir sur cyberpresse.ca là, un petit article. C'est vraiment un article là, de Tristan Péloquin avec une vidéo au Mont Sutton. Vous allez être envieux comme moi. On va faire ça. Envieux ou en jeune, dépendant. Tout à l'heure, on reçoit la formation Polype. Oui, dans quelques minutes, en fait. Oui, pour l'instant, voici leur pièce Presse Citron pour se mettre dedans un peu. À Assemblage requis. Squeeze, squeeze. Sur la question et non demande. On les paye l'extrait Presse Citron, leur album Tropique du Cancer, Assemblage Requis. Ouais, c'est leur dernier album, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti. Et puis, ils sont même en train de le lancer ces temps-ci. Ils sont ici à Trois-Rivières ce soir. Faut qu'on l'attrape. Pour un spectacle, pour qu'on l'attrape. Et on a Pierre-Luc et Antoine du groupe qui sont ici en studio. Salut. Yeah, allô. Allô. Bonjour, ça va? Oui, ben pas oui. Pire, pas pire. Merci. Super, ça vous avez fait beaucoup de voyages aujourd'hui pour vous rendre jusqu'à Trois-Rivières? Un bon 2h30 d'auto. Notre cinquième vitesse a lâché. Puis, puis vous êtes perdu un peu. Ça nous condamne à rouler à 80. Là, puis on s'est perdu en plus. Bon. Combiné avec un Google Map toujours aussi clair, c'est génial. Mais l'important, c'est que vous êtes arrivé. Finalement. Et voilà. Bon. Et vous êtes en spectacle ce soir à l'Embuscade, ici à Trois-Rivières. Avec Barton Fink. Yeah. Des amis. C'est des amis à vous, ouais. C'est très, très bon. Un groupe de Québec, je pense, hein? Non, de Montréal. Ok, ouais, okay. Je suis trompé. Ok, parlons pas de Barton Fink, parlons de Colib pour commencer. Premièrement, parlez-moi des membres du groupe, autre que vous et vous-même, tant qu'à ça. Parlez-nous de Colib, de votre groupe, des membres, de ce que vous faites, s'il vous plaît. Ah, ben là, on est deux, normalement on est trois, on est un trio, un power trio. Comme il s'en fait plus beaucoup de nos jours, mais... C'est ça, on est basse, guitare, batterie, piano, vocal, ouais. Beaucoup de vocal, ouais. Beaucoup de vocal. Les trois, on chante, on essaie de chanter le plus qu'on peut, parce que c'est, ça part de là. Essayer de rejoindre les gens, ça part avec la voix humaine. L'album qui est sorti dernièrement, qui s'appelle... Tropique du Cancer, c'est bien ça? Oui. C'est le premier album complet, mais il y avait déjà eu des mots avant. Il y a quand même eu quelques années qui s'est écoulé entre les deux. Comment ça s'est passé en fait, la création de cet album-là? Vous avez voulu prendre votre temps pour le faire comme il faut? Oui, ben en fait, on a hérité d'une bourse Conseil des arts du Québec. Puis ça a donné aussi que deux de nos parents étaient malades à la maison. Puis on a profité de la situation pour... créer dans notre village natal, puis prendre soin de nos parents en même temps. Puis, okay. Ça a influencé le cours d'écriture de l'album, puis beaucoup les morceaux sont teintés de ça. Okay. Puis, c'est ça. Sur une période de 3-4 mois, on a fait de la création, puis ensuite on a enregistré l'album à Montréal sur une période d'à peu près 2 mois. Puis, on est bien contents du résultat. Mais sinon, pendant l'autre année qui a eu... qui s'est rien produit vraiment. On a juste, je pense, pris conscience de toutes les failles qu'il y avait sur le EP, puis on a fait en sorte de corriger ça le plus possible. Puis vous êtes si autocritique que ça? Ouais, quand même. Mais en même temps, très fier de ce qu'on fait, mais on voit, il y a toujours place... amélioration. Ce serait quoi les différences principales pour ceux qui connaissaient le son du EP sur le nouvel album? C'est quoi les différences au niveau du son? Moi, je dirais que c'était plus des tonnes instrumentales avec des paroles dessus. C'était comme plus un prétexte pour faire de la chanson, tandis que là, on est plus, je dirais, été dévoué à la chanson. Plus, on a pris plus un plus gros soin avec les paroles puis les harmonies vocales. Puis c'était... On a joué beaucoup acoustique, mettre en valeur nos voix puis nos harmonies. Tout ça. Okay. C'est plus des chansons, j'ai l'impression. Parce qu'à la base, on était des instrumentistes avant tout. Pendant longtemps, on a fait des auditions, on trouvait des chanteurs. Puis par défaut, on trouvait pas personne pour faire la job. Puis on a finalement décidé de le faire autant qu'on pouvait à trois. Puis se mettre la pédale dans le fond là-dedans. Puis, il y avait une petite touche, je trouvais un peu, une petite touche prog hein, sur le P. Ouais. Les nouvelles pièces sont peut-être un petit peu plus... plus épurées, ouais. Ouais, c'est ça. Malgré le fait qu'on se fait catégoriser de prog encore intensément, alors que selon moi, c'est loin d'être du prog. Ben oui, il y a une teinte de prog, mais c'est... On dirait qu'il n'y a plus moyen de sortir un peu des sentiers sans être catégorisé. Ouais. Les étiquettes, c'est ce qui marche avec les gens. Il faut tout le temps qu'il y ait une façon de reconnaître quelque chose. Ça ressemble à telle affaire. Et écoutez si vous aimez tel groupe. Ouais. Puis notre album, il est un peu, tu sais, moi je le vois comme 12 pièces vraiment pop, mais qui vont dans différentes sphères musicales. Puis c'est la raison pour laquelle il y a certaines critiques qui l'ont pas si bien reçu, j'ai l'impression que c'est qu'ils sont justement un peu éparpillés dans leur... sont perdus, sont pas capables de mettre une étiquette claire et précise sur ce qu'on fait. Aussi quand on se disait ça dans l'auto, justement, ensemble, non? Que c'est de quoi qui se... C'est ça, là, ça... comme un peu, on faisait la comparaison de la bouffe, je sais pas, du pain blanc ou par rapport au pain de blé entier ou peu importe. c'est vite de même, ça goûte peut-être moins bon, c'est peut-être moins facile à masticer. Ça nécessite un effort de mastication. Ouais. Mais c'est ça. Mais une fois que tu y as pris goût, puis tu En bout de ligne, t'es plus intelligent, puis t'es c'est ça, en meilleure santé. En meilleure santé. Ça vous rend, attention, petit jeu de mots ici, ça vous rend plus régulier. Régulier une pièce. Ouais. C'était pas libre. Mais tandis qu'on parle de bouffe, je lisais tantôt votre recette de crème Budwig sur votre site internet. Ouais. Est-ce que vous êtes vraiment des fans de cuisine ou Ouais, ben on aime tout ça cuisiner avec les moyens du bord puis le, okay. autant que possible santé. Okay. Oh, ouais, c'est très présent dans. Ok. Je vais essayer votre recette en tout cas. Bah ben oui, ça va être très bon. Oui. Ouais, assaisonne-le à souhait. Ouais. Il faut encore là, comme un album de polype, il faut lui donner du temps. Là. Peut-être que tu sauras pas ça bon. Premier coup. C'est pas du fast-food. Là. C'est sûr que c'est plus simple que de se faire des toasts le matin. Ouais. On a un album à faire tirer. Hey, cool. Wow. Quand même. Il est beau en plus. Sérieusement, très beau look pour votre pochette. Ouais. Hein, pour tout Merci. Ce que vous faites autour. Là, c'est vraiment super joli. Les couleurs sont très, très fortes. Bon, si on parle d'influence un petit peu, là, tant qu'à parler d'étiquette tantôt, des influences qu'on lit souvent, Cream, Hendrix, Stevie Wonder, mais je voulais savoir, vous, personnellement, vous deux, les deux gars, vos influences que vous aimez écouter, groupe québécois ou autre? Think About Life, beaucoup. OK, c'est bien. Ouais. Sinon, moi, je sais pas, on dirait que je peux pas dire ça, parce que je passe à travers tellement de périodes différentes. Ouais. Mais en ce moment, mettons, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas, mais... c'est ça, non, mais on peut. Moi, c'est le disque qui me tombe sous la main. C'est pas, j'ai pas le genre à sticker sur un groupe. Ben oui, j'ai stické sur certains groupes, là, mais c'est pas. J'ai 610 d'accessible chez nous, fait que je pige là-dedans, puis. Jazz ou. Je veux dire, je peux pas isoler rien vraiment, là. Mais disons, si j'isole de quoi, je demande récent, ouais, Think About Life, c'est pas mal la seule chose vraiment qui m'a frappé ces derniers temps. Dernier Fred Fortin, j'ai écouté pas mal. Pâte à rose. Barton Fink. Barton Fink. Ouais, la dernière année, j'ai écouté beaucoup de Cannes aussi, formation allemande. Mm-hmm. D'accord. Tu parlais de Barton Fink, c'est avec eux que vous allez être en spectacle ce soir. Parlons-en de ce spectacle-là qui était à l'embuscade. Ça commence à 22h, 21h30, 22h? Ouais, plus 10h. Laissez le monde prendre leur. Faut leur dire 21h. On va leur dire 21h. Ouais. Il va arriver plus à temps. Donc, ça va ressembler à quoi ce spectacle-là de Polype? Ça va être. C'est... Haut en couleur, haut en énergie, pas de. Sans prétention en même temps, venez danser, ça va, ça. Puis on fait une fiesta au Motel Coconut après. Ah oui? Oh, yes. Oh. Puis c'est un peu la même Barton Fink. C'est rare qu'on se sent aussi qu'on peut autant s'identifier à un autre groupe, mais là, on a vraiment le feeling. Ce sera pas un show avec une première partie ou peu importe, on sait pas qui va faire la première partie, mais... Une ambiance fraternelle, je pense. Ouais, puis un peu, en tout cas, il va y avoir quand même une thématique dans la soirée en termes de... Ça va être coloré. En termes de groove? Ouais, groove... Non, c'est une musique qui fait du bien, là, je pense. Là, venez, là, ouais. C'est la première fois qu'on vient à Trois-Rivières en 2 ans. Mm-hmm. C'est ça. On est dû, puis vous êtes dû. Ouais, ouais, vraiment, on est dû pour se faire gâter là, par Polype. Puis l'embuscade, paraît que ça s'est. Ça a changé de configuration. Je me souviens, la dernière fois que vous étiez venu, vous étiez comme dans un coin à l'avant. Puis c'était pas super. Ouais, je faisais partie des quelques personnes. Des 15 personnes. Ouais, à peu près, là. Et puis, la configuration pour les spectacles a changé. Puis, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus d'espace maintenant. Là. Vous risquez d'être plus à l'aise un peu. Tant mieux, parce que Barton Fink, ils ont du gear. Moi, je pense qu'on va, on va passer en musique. On va vous laisser choisir la pièce. Est-ce que vous avez le temps de faire un petit consensus et choisir la pièce de Polype qu'on va aller écouter là? C'est difficile? Moi, je mettrais Grand-père. Grand-père, ça fait longtemps. Grand-père, parfait. On va aller écouter cette pièce de Polype tout de suite. Grand-père. À Assemblage Requis. Et tantôt, restez là parce qu'on va avoir un album à vous donner. Oui. Ouais, salut. Hey, merci. Merci beaucoup. Polype. À vous. Très bon spectacle. Ciao. Ce soir, tout le monde. Bonne soirée. Bye. Assemblage Requis et CIFU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Jusqu'à 17h, Assemblage Requis, Kiwan, Mathieu, sur CIFU 89.1. De toujours Assemblage Requis, vigilance auditive nécessaire, plan inclus, avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h, hein, Kiwan? Oui, et on est maintenant accompagné de Sébastien Dulude qui vient nous rejoindre pour sa chronique. Va voir ailleurs si j'y suis. Sébastien Dulude avec sa chronique Va voir ailleurs si j'y suis sur les sorties culturelles alternatives. Salut! Salut! La formulation est un peu longue. Hein? Je me suis mal. Oui, mais en même temps, bon, soyons concis. Et alternatives cette semaine, oui, vraiment, deux alternatives radicalement différentes. Des sorties spectacles un peu d'avance, mais c'est une question de billets. À un moment donné aussi, il faut parler des choses un peu d'avance quand on en entend parler, c'est le temps d'agir. C'est vrai. La première annonce de spectacle, ça concerne le légendaire groupe The Residents, les Résidents. Et ça, c'est une formation californienne qui existe depuis le milieu des années 70. Ils sont très étranges. Ils tirent leur nom du fait qu'à un moment donné, ils ont envoyé des démos à plein de compagnies. Et c'est revenu notamment de, je pense, Warner Brothers. Leur retour, le démo avait même pas été écouté, avait été retourné à l'attention des résidents à telle adresse. Donc, ils ont pris ce nom-là comme pour poursuivre leur aventure. Et ils ont eu un label. Ils ont eu toutes sortes de problèmes juridiques aussi parce que ils ont la fâcheuse habitude de subvertir tout ce qu'ils trouvent, un peu comme Negative Land, une formation électronique, un peu dans le même genre, qui parodie des logos, parodie des slogans publicitaires, des pochettes de disques également. Ils font beaucoup de reprises. D'ailleurs, souvent, une bonne part de leurs albums sont des reprises complètement détournées. Autant dans du folk américain de base, mais complètement électronisé, où vraiment, il y a un album que des covers d'Elvis. Ils ont fait d'ailleurs une espèce de hit underground à la fin des années 70 avec Satisfaction des Stones. Et puis, du matériel original aussi. D'autre part, les résidents, on les voit jamais. Ils sont toujours déguisés sur scène. Leur costume de prédilection depuis plusieurs années, c'est un gros globe oculaire. Chacun, ils sont 4-5, ils ont un gros globe oculaire à la place d'une tête. Et on sait vraiment pas c'est qui, là. Ils disent jamais. Non, ils disent pas vraiment. Bon, évidemment, c'est pas non plus la grosse affaire pour en faire non plus une espèce d'enjeu commercial de trouver qui sont les Residents. J'imagine que c'est trouvable. Il doit y avoir des gens qui savent. Mais l'idée, en réalité, c'est que les Residents, c'est vraiment un groupe de scène, un groupe de théâtral. Donc, c'est presque autant à voir qu'à entendre en spectacle. Ça fait un bon 9 ans qu'ils sont pas venus à Montréal. Et là, c'est au Club Soda. Ils nous préparent quelque chose d'assez. Selon le site Internet des Residents, le nouvel album est quelque chose d'absolument jamais entendu. Là. Et on parle quand même d'un groupe qui a une trentaine d'albums. Bon, il y a un son Residents qu'on finit par reconnaître, là, qui est un peu feutré, un peu toujours électro, là, malgré qu'il peut y avoir des batteries, des guitares, très éclectique. Il n'y a pas grand-chose de commun à leur musique. À chaque fois, c'est plutôt le conceptuel de la chose, le regard sur les choses. Tu reconnais la touche Residents. Ça serait pour amateurs, je dirais, de rock d'avant-garde, mais rien qui déchire, là, ou qui fait, tu sais, qui est bruyant ou juste étrange, très, très étrange. Sympathique aussi, beaucoup ludique et ironique. Puis tu sais, souvent avec les groupes qui traversent comme ça plusieurs décennies, tu sais, les gens vont facilement faire des critiques ou en tout cas vont observer le fait, tu sais, que les groupes veulent pas, ils vieillissent. Le fait qu'ils soient déguisés comme ça, est-ce qu'on sent moins, tu sais, l'effet pas du vieillissement, mais tu sais, de l'évolution. Veut pas, un groupe, ça évolue puis ça change avec leur âge, mais je sais pas s'ils ont beaucoup changé à travers les années. C'est ça qui est intéressant quand t'as pas ton visage, t'échappes à ça. Donc c'est vraiment la musique qui est mise à l'avant-plan, qui est jugée. On les a un peu perdus dans les années 90 où ils devenaient très conceptuel, des espèces d'albums, des suites complètes avec des personnages, un peu comme Zappa, à un moment donné, est parti dans ce genre d'affaires-là, là, des livrets là, à lire là, en même temps que poursuivre l'œuvre des personnages. Presque des livres plutôt que des livres. Ouais, c'est des grosses œuvres et ultimement, où ils ont peut-être moins de plaisir spontanément à écouter ça. Et après ça, ils sont revenus à quelques bonnes propositions. Et puis, le plus récent, apparemment, est très spontané. Il y a un côté très rationnel, apparemment, mais qui a été supplanté par le côté un peu émotif, musique spontanée, allons-y comme ça. L'album s'appelle The Hugs. Comme si, en fait, c'est comme si c'était donné un autre nom, juste pour pouvoir fonctionner pendant l'enregistrement. Puis en même temps, il y a toute une nouvelle. Il y a comme un autre groupe dans l'album, là, encore une dimension conceptuelle. Et le groupe The Hugs, c'est un peu les. C'est un peu cette idée-là. Ils ont des films sur leur site. Faut aller voir ça. Ben déjà, sur le MySpace, The Residence, vous allez voir, ils ont leur Resident TV. Ils participent à toutes sortes de festivals, entre autres. Peut-être, Mathieu, tu connais, ou Kiwan. C'est parrainé par Matt Groening, le dessinateur des Simpsons. Le A-P-L-A-F-P, là, entre trois lettres comme ça. Annuellement, c'est des festivals de musique, mais aussi cinéma ou BD en même temps. Donc, c'est assez prestigieux. Et les Residents en feront partie l'année prochaine. Ça, j'ai lu ça. Et donc, ils sont en spectacle en février, mais je leur en parle vraiment définitivement tout de suite parce que le Club Soda, ça se remplit. Les Residents viennent à peu près une fois par décennie à Montréal. Donc, c'est l'occasion d'en profiter. Si vous connaissez, si vous voulez découvrir ça, 12 février, c'est un vendredi au Club Soda. Ça, c'est au 1225 Saint-Laurent à Montréal, un peu en bas de Sainte-Catherine. Et les billets, pas trop chers, 25 et 50. C'est un groupe aussi qui se... essaye là, de pouvoir offrir les trucs de façon très démocratique. On peut télécharger de la musique pour vendre pas cher sur leur site, des choses comme ça. Donc, ça m'étonne pas tant que ça que le prix soit pas cher, malgré qu'il passe par le système de distribution là, du groupe Gillette, là, donc au geg.ca. Vous allez pouvoir trouver les Residents, donc les résidents, R-E-S-I-D-E-N-T-S. Alors, voilà pour la première proposition. Et la deuxième, bien, on écouterait un petit clip sonore, si vous voulez bien. OK, on va essayer. Vous allez voir, c'est pas très fort. C'est mon possible. Mais c'est fort. Ouais, très fort. Moi, ouais, très bien. C'est okay. Moi, je veux dire. Okay. Ah, c'est fort émotionnellement. Oui. Oh, oui, très fort. Ah, petit quiz, hein? Mm. Qui a signé cette partition archi-célèbre? Je vais laisser Kiwan deviner, je l'ai vu, moi. Tu l'as vu, ouais, OK, mais je sais que c'est très connu. C'est un ballet. C'est un ballet, c'est russe. C'est, mais là, je veux pas avoir l'air, fou, mais ça, c'est Casse-Noisette. C'est Casse-Noisette, okay. Effectivement. Et de Tchaïkovski. Oui, ça, j'aime pas ça prendre les gens au dépourvu comme ça. Mais il y a aussi, à un moment donné, sur le premier disque de Loco Locas, au début, il y a une petite musique comme ça de ballerine qui joue au début d'une pièce. À un moment donné, j'étais dans un party, j'ai du monde, j'ai dit « Ah, quiz sur le spot, qui a composé ça? » Et c'était le Lac des Cygnes, personne ne connaissait. C'est quoi la mélodie? Enfin, une partition que j'ai pas interprété depuis bien des années, mais c'était Tchaïkovski aussi. Et je suis pas un maniaque de musique romantique russe du 19e siècle, bien au contraire, mais je suis absolument convaincu qu'il y a, s'il y a une chose que vous pouvez offrir à un enfant dans sa vie, c'est de voir Casse-Noisette, qui est probablement le ballet destiné aux enfants le plus génial de l'histoire de l'humanité. Deux propositions pour aller le voir. Mais je dirais même pas juste pour les enfants. Moi, j'aimerais ça le voir. J'ai jamais vu. C'est sûr. C'est exactement ça, le plaisir. Moi, j'ai bien envie de goûter comme plaisir d'adulte, éventuellement, revoir ça. La dernière fois, j'ai vu ça. Casse-Noisette, je devais avoir à peu près 10-11 ans. J'avais des frères et sœurs plus jeunes. Et tout le monde, on en garde un souvenir. C'est plus grand que nature. Alors, la version classique, évidemment, le classique des classiques, c'est à la Place des Arts. Ça, c'est comme aller à New York, aller voir le Radio City, une comédie musicale, un Broadway. C'est la vraie affaire avec les grands ballets canadiens. C'est là depuis moult et moult années, à chaque année. Cette année, à la Place des Arts, on commence le 12 décembre. Il y a généralement deux représentations par jour. Là, puis c'est toujours des jours de fin de semaine. Là. Après ça, quand c'est les vacances, ça joue à tous les jours, l'après-midi et le soir. Donc, du 12 décembre jusqu'au 30 décembre, encore là, j'en parle d'avance pour acheter des billets. Il en reste, par contre, beaucoup. Il y a beaucoup de jours. Les billets vont de 17,95 à 93,25. Ouh. Mais on parle de la salle Wilfrid Pelletier à la Place des Arts. Moi, je me souviendrai toujours de cette journée-là à la Place des Arts où, enfant, là, mesurant à peu près comme 3 pommes et 2 pouces, tu arrives à la salle Wilfrid Pelletier qui est formidablement impressionnante avec ses balcons, les mezzanines sur chaque côté. C'est une vraie salle d'opéra aussi. C'est une salle qu'on n'a pas rien envie aux grandes salles de musique classique au monde ou en Amérique du Nord à tout le moins. J'ai vu d'autres spectacles par la suite à Wilfrid Pelletier, mais je n'ai jamais avoir vécu l'expérience enfant à la salle Wilfrid Pelletier. Parce que souvent, pour les spectacles pour enfants, c'est des beaucoup plus petites salles. Et le grand ballet, les grands ballets canadiens sont quand même pas non plus une petite troupe. Ils sont vraiment de renommée mondiale et leur Casse-Noisette a été régulièrement primé. En somme, Casse-Noisette, c'est l'histoire d'enfants. C'est très onirique, un espèce de rêve qui part où un enfant, en fait, toute une troupe d'enfants très bourgeois, tout ça, mais aussi des enfants de servants, de servantes, donc des subalternes. Il y a un jeu politique là-dedans qu'adulte, ça doit être assez intéressant de voir quels enfants ont le cadeau en premier parce que c'est un conte de Noël. Et arrive le dernier enfant qui est le plus sympathique, le plus mignon, le plus blond avec les pommettes rouges, mais il n'y a plus de cadeau pour lui. Et quelqu'un, je me souviens plus qui, lui offre un casse-noisette, en fait, en prenant un soldat du sapin et ses jambes là, qui sont articulées, un petit soldat en bois, lui montre que c'est un casse-noisette. Et le petit enfant, tout naïvement, est super content de son cadeau. Mais il s'avère que le casse-noisette est brisé par un autre enfant. Et là, il y a des souris dans cette histoire-là. Là, je suis un peu mêlé pourquoi il y a des enfants, des souris, des petits-enfants déguisés en souris. C'est très mignon, ça, je m'en souviens. En réalité... Le conte de départ est un conte de Hoffmann qui a été réécrit par Alexandre Dumas. Et c'est cette version-là vraiment qui a servi à Tchaïkovski. Et ça s'appelait au départ Casse-Noisette et le roi des souris. Alors là, je ne sais plus trop. La souris est peut-être un symbole de passage vers le rêve. Là, souvent, c'est ça, ça prend des animaux puis on passe dans un autre monde. Là. Donc les enfants écoutent les souris. C'est pas clair dans l'histoire. J'ai bien envie de me rafraîchir la mémoire à ce niveau-là. Et donc, on part dans ça. Il y a des scènes vraiment plus... bon, du ballet, juste quelques danseurs sur scène. Et des fois, c'est la totale. Et c'est de voir ces enfants-là recrutés chaque année par les grands ballets canadiens, les petits bouchous, là, 3-4 ans, qui dansent merveilleusement bien, qui ont répété quand même beaucoup pour ça. Et ça n'a rien de spectacle amateur. C'est vraiment de classe mondiale, année après année, avec, bon, véritablement, des enfants et des danseurs adultes émérites des grands ballets canadiens. Il faut toujours qu'ils renouvellent les enfants parce qu'ils vieillissent puis tout à fait, d'une tout année fait. À l'autre, ils peuvent J'imagine pas le refaire. J'imagine qu'il y en a quelques-uns qui l'ont fait à plus d'une année. Ou en fait, aussi, il y a des rôles, il y a des enfants de tout âge là-dedans. Mais les petites souris sont les plus jeunes. C'est vraiment les plus mignons de tout. Ils arrivent à un moment donné et la scène est remplie d'enfants. On parle de centaines d'enfants sur la scène. Alors ça, c'est à la Place des Arts. Information au pda.qc.ca, donc placedesarts.qc.ca, à la salle Wilfrid Pelletier. Donc, on parle pour enfants de 5 à 12 ans. Moi, je dirais très facilement de 4 à 120 ans. Mm-hmm. En bas de 4, c'est un peu plus difficile. C'est quand même un spectacle en deux actes. Bon, une bonne longueur, là, au-dessus d'une heure. Là. Belle expérience. Et ce qui est intéressant cette année, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est qu'il y a aussi la possibilité d'aller le voir à Trois-Rivières cette année. C'est monté par la troupe trifluvienne L'Astragale en collaboration, et c'est ce qui fait la force de la proposition, avec Ballet West, une compagnie montréalaise de danse aussi très bien cotée dans le milieu. Et L'Astragale fait, en réalité, sa levée de fonds avec cette collaboration-là. Donc, les profits iront pour que l'école, qui est une école d'enseignement de la danse, Astragale, puisse poursuivre son mandat. Et on donne une seule représentation. Donc, il reste des billets, j'ai vérifié tantôt, autant 2 billets que 6 billets. On peut être soit sur le parterre ou sur le balcon à la salle Thompson. Et ça, c'est intéressant au niveau du prix. 30 à 35 $ pour les billets. Donc, on a vraiment uniformisé tout ça pour en fait, qu'il n'y ait pas trop de différence. Donc, l'idée, c'est d'acheter ces billets le plus rapidement possible pour être sur le parterre. Sinon, le balcon, moi, ça va quand même, la salle Thompson. C'est possible. C'est une salle de 1000 places environ. Et oui, on parle quand même d'une centaine de danseurs aussi pour l'envergure du ballet. Là. Donc ça, c'est ce qui m'a aussi frappé. Je pense que la collaboration avec Ballet West là, amène vraiment la coche. Non pas qu'Astragale, mais c'est pas le genre de projet ambitieux ou d'envergure qui sont habitués de monter. Donc là, il y a vraiment quelque chose, une base solide. Cette version-là de Ballet West a été promenée un peu partout dans le monde depuis quelques années. Donc c'est aussi une représentation, je dirais, tout à fait, plus que convenable, là, tout à fait dans l'esprit des grandes représentations du ballet Casse-Noisette. Mm-hmm. Et j'ai pas dit la date, c'est un samedi, le 20 décembre à 13h30. Donc samedi après-midi, 20 décembre à 13h30 à la salle Thompson, réseau Ovation. À ovation.qc.ca ou il y a un numéro de téléphone pour la billetterie à Trois-Rivières, 819-380-9797 pour Casse-Noisette à Trois-Rivières le 20 décembre. Donc, entre les Residents et Tchaïkovski, il y a un monde de possibilités. Ah oui, c'est beau. Et promis, je n'achèterai rien avec des trucs à faire à Noël et tout. Non, mais je me disais que tiens, c'est rare qu'on parle de ballet. C'est vrai. Et je suis fou comme un ballet. Ah, ça me rappelle c'est quoi, c'est l'histoire de Mickey Mouse avec le petit ballet qui danse et qui chante. Fantasia. C'est Fantasia, ça. Oui. Tu vois, je n'avais pas associé les deux. Et je me demande d'ailleurs si l'expression vient pas de là, fou comme un ballet. Parce peut-être. Que le ballet. Il était fou là-dedans. Ouais, il est pris de magie. Et voilà. Et c'est, ouais, c'est moins bon, ça. C'est Walt Disney. C'est moins bon que Tchaïkovski. Sébastien Dulude avec sa chronique va voir ailleurs si j'y suis. Les liens vont être sur l'assemblagerequis.com tout à l'heure. Donc, si vous êtes intéressé par ces activités-là, allez sur assemblagerequis.com. Absolument. Et on te remercie beaucoup. Merci, Sébastien. C'était mon plaisir. À la prochaine. Bonjour. C'est mercredi prochain que sa chronique sur les sorties culturelles alternatives sera de retour. Nous sommes à Assemblage Requis, vous l'êtes aussi, avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Il nous reste environ quoi, une dizaine de minutes à l'émission. On va écouter un petit peu d'Amis au Pakistan. Ils vont avoir une deuxième pièce sur le palmarès de cet album-là, Cosmétique Cosmique, qui va entrer sur le palmarès demain. Oui, et pendant qu'on va écouter la pièce, la nouvelle pièce des Amis au Pakistan, si vous voulez gagner le nouvel album de Polyp, il était de passage ici dans les studios, ils nous ont laissé un album, on vous le donne, ils sont en spectacle aussi ce soir à l'Embuscade. Donc vous nous appelez tout de suite au 376-5183, c'est pour le nouvel album de Polyp, Tropique du Cancer, 376-5183. Et pendant ce temps-là, voici les Amis au Pakistan avec le fleur de ma journée à Assemblage Rocky. 819-376-5183. CIFU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. L'entrée du garage est condamnée depuis déjà longtemps. Les curieux y jetteraient bien un coup d'œil, mais pourtant, les seuls qui sont amis font partie de

Tegan and Sarah avec Hell, qui est la pièce du palmarès anglophone en ce moment. Un palmarès que vous pouvez écouter les mercredis et jeudis entre 13h et 15h. Et c'est assez fou. Oui, juste avant ça, on a entendu Les Mal-Léchés avec la pièce Le Garage. Ça aussi, c'est sur les palmarès francophones. Et Les Mal-Léchés, un groupe de Trois-Rivières qui, d'ailleurs, avait gagné quelques années, l'année dernière, pas la dernière édition, je pense. Oui, la dernière édition. En tout cas, ils ont gagné les Mardis de la Relève ici au Gambrinus, Les Mal-Léchés. Et ils sont encore présentement en participation dans un autre concours de la relève de la région. C'est le concours Microsonique. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je crois que c'est leur deuxième édition cette année. Et puis, ça se passe à Shawinigan, ça, Microsonique. C'est à la microbrasserie. Le Broadway Pub à Shawinigan. Et c'est ça, c'est commencé. Ça a commencé la semaine dernière, deux semaines plutôt. C'est la troisième semaine dans les rondes préliminaires, si on peut dire. Et donc, demain soir, les Mal-Léchés affrontent le groupe Teargas Holiday. Et donc, c'est ça. Il reste encore plusieurs semaines de rondes préliminaires. Ça sera jusqu'au 28 janvier. Et après ça, on va tomber dans les demi-finales. Donc, c'est le concours de la relève de Shawinigan. Et nouveauté cette année que je trouve bien le fun. On va en parler, même si on est assez fou ici. Mais à Star, depuis cette année, le concours Microsonique, les prestations le soir même du Broadway Pub sont diffusées sur la radio locale de Shawinigan, la radio communautaire de Shawinigan, Radio 9-1. Cool. C'est une très, très bonne idée. Ouais, ouais, c'est vraiment cool. J'aime. Que nous, c'est pas mal la fin de cette édition d'Assemblage requis. Hein. Le temps file et on se quitte pour une autre belle petite journée, une autre 24 heures, en fait 22 heures parce qu'on est de retour demain à 15 heures le jeudi avec Maxime Lemularamé, entre autres, qui va venir nous faire découvrir de la musique dans son blog Télécharge Pas. Oui, il va nous parler entre autres de Duma demain. Ah cool. On va aussi entendre une chronique, une capsule humoristique de Vidon, la drôle de question de l'émission de demain. Donc soyez-y à 15h, sinon écoutez La Pilule du lendemain à 7h avec Marc et Sylvain. Et puis à 11h, oui, c'est le dîner de con avec Dany et André. Et je vous rappelle aussi que Polyp sont à l'embuscade ce soir avec Barton Fink. Donc allez voir ça. Puis en plus, la soirée va se terminer très tard avec un after party avec le groupe au célèbre Coconut Bar. Oh, le merveilleux Coconut! Restez à l'écoute de C'est fou toute la soirée. À 18h, c'est l'émission de musique instrumentale éclectique en attendant. Puis à 19h, c'est du rap avec Rap 101. Et on continue en rap à 21h avec Volteface pour revirer de bord. À 23h avec la musique électronique de Psy-TR. Donc soyez à l'écoute sur C'est fou ce soir. Bonne soirée et nous on se laisse en musique avec Vanessa Parietter, une version acoustique de la pièce Exil. Pour rappeler qu'ils étaient dans nos studios lors de l'enregistrement de cette pièce-là, donc c'est quand même assez spécial pour nous autres, ça. Bye. Bye. Thank you. Et nos temps battent en Assemblage Requis et CIFU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre.